Léonce Vitalijo. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Ouverture ce lundi de la session parlementaire d'octobre, dite aussi session budgétaire. Le projet de loi budgétaire pour l'année 2017 n'est pas encore arrivé à l'Assemblée nationale. Le parti CNDD-FDD se dit favorable au dialogue inter-burundais à Arusha. Dans ce journal, vous entendrez le président de ce parti, Évariste Ndayishimiye. 10 hommes ont été arrêtés hier dimanche dans la zone de Mutakura, en commune urbaine de Mnahangwa. Parmi eux, un journaliste de la radio Maria Burundi. Ces personnes sont accusées de tenir une réunion allant dans le sens de ravitailler les malfaiteurs, selon du moins la police nationale. Deux jeunes élèves de la gardienne à l'école fondamentale Moussaga et en mairie de Bujumbura ont été obligés de retourner chez eux ce lundi. La raison est qu'il y a manque d'enseignants après le redéploiement qui n'a pas épargné la dite école. Et puis, plus de 5000 élèves de la province de Karoussi attendent d'avoir des places dans l'enseignement des métiers, alors que cette province ne compte actuellement qu'un seul établissement de ce genre d'enseignement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le gouvernement burundais n'a pas encore envoyé à l'Assemblée nationale la proposition de loi portant budget général de l'État exercice 2017. Tels sont les propos du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la session d'octobre ce lundi. Pascal Nyabenda appelle au gouvernement de le faire dans les meilleurs délais puisque l'adoption de ce projet est normalement faite pendant cette session. Suivez plutôt Pascal Nyabenda, le président de l'Assemblée nationale. Cet ordre du jour n'est pas exhaustif, puisque le gouvernement pourra, au besoin, le modifier en y ajoutant ou éventuellement en y retirant des projets de loi. Par ailleurs, au terme de l'article 176 de la Constitution de la République du Burundi, l'Assemblée nationale est saisie du projet de loi des finances au cours de la session d'octobre. Cela signifie que la priorité de cette session est accordée particulièrement à l'analyse de la loi des finances pour l'année 2017. Donc, c'est une session budgétaire. Étant donné que le projet de loi des finances ne figure pas sur l'ordre du jour transmis par le gouvernement, l'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à tout faire pour que ce projet lui parvienne dans les meilleurs délais afin qu'elle puisse disposer d'un temps suffisant pour son analyse et son adoption. Le président de l'Assemblée nationale s'est également exprimé sur la question du dialogue inter-burundais. Pascal Nyabenda dit que cette Assemblée soutient le dialogue, tant interne qu'externe, rassurant la communauté internationale que les institutions étatiques sont à l'œuvre pour la stabilité du pays. Suivez encore une fois Pascal Nyabenda. Le pays focalise aujourd'hui ses efforts sur le dialogue inter-burundais, interne et externe, inclusif, qui est en cours, sur le rapatriement des réfugiés et sur la relance économique, surtout en ce moment où certains des partenaires ont choisi de tourner le dos au peuple burundais en lui imposant des sanctions économiques et budgétaires injustes. En conséquence, l'Assemblée nationale réitère l'invitation adressée à la communauté internationale de considérer les réels défis auxquels fait face le peuple burundais. Le peuple burundais ne fait pas face à une menace de massacre ou de génocide, mais plutôt à la pauvreté. L'Assemblée nationale rassure la communauté internationale que les institutions de l'État œuvrent réellement pour la stabilité du pays et la consolidation de la paix et l'unité du peuple burundais. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, des propos recueillis par Alain Désiré Ukeyeneza. Et 12 projets de loi ont été jusqu'ici déposés à l'Assemblée nationale. Parmi eux figure celui portant ratification de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé le 23 juin 2000 et modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. Le parti CNDD-FDD se dit favorable au dialogue inter-burundais qui se mène à Arusha en Tanzanie. L'annonce a été faite par le président de ce parti au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue après une visite d'une délégation de ce parti auprès du médiateur Benjamin Mkapa la semaine dernière. Évariste Ndayishimiye dit qu'il a demandé aux médiateurs de venir au pays pour se rendre compte de la situation qui y prévaut et qui est contraire à ce qui se diffuse. Et pour le président du CNDD-FDD, ce parti est conscient que la culture de dialogue a permis au pays de se stabiliser. Suivez-le. Nous l'avons réaffirmé que le CNDD-FDD soutient la culture de dialogue qui s'est implantée dans notre pays. Cette culture de dialogue nous a fait arriver à cette situation où nous vivons aujourd'hui. Comme vous le savez, le dialogue inter-burundais qui s'est fait à Arusha depuis 1998 a abouti à des résultats positifs qui ont fait que les Burundais aboutissent à un point de réconciliation. Nous nous réjouissons aujourd'hui parce que la démocratie a pris ses racines. Alors nous avons eu aussi l'occasion d'exprimer les défis d'aujourd'hui. Nous avons d'abord montré les résultats positifs du dialogue inter-burundais qui a été mené à l'intérieur du pays. Les résultats ont été que il y a eu création de confiance entre les citoyens et le gouvernement et entre les citoyens entre eux. Nous avons demandé aux facilitateurs de nous aider à rassurer ces leaders politiques qui ont fui le pays à cause de la peur ou pour d'autres intérêts personnels, mais qui n'ont pas commis de crimes de sang dans le pays. Il y a l'autre groupe, le groupe des criminels. Là, le challenge, c'est confronter la question de lutte contre l'impunité et la question de justice. Il n'y a pas de négociation sur la question de justice. Ou bien on juge, ou bien on laisse les crimes impunis. Or, le principe international exige que tout État doit lutter contre l'impunité. Donc, là, il n'y a pas à demander comment nous pouvons négocier. Plutôt, nous avons le devoir de convaincre les États qui les protègent d'accepter que ces gens-là viennent au Burundi pour qu'ils soient jugés. En page de sécurité, 10 hommes ont été arrêtés dans la soirée de ce dimanche à la 9e avenue numéro 49 en zone Mutakura de la mairie de Bujumbura. Ils étaient en train de faire une réunion de leur association, comme l'a fait savoir une des voisines. Elle ajoute que ces personnes ont été amenées par les militaires en compagnie des policiers. Suivez. C'était le soir et on a vu la femme de notre voisin qui est venue nous dire que chez elle, il y avait beaucoup de militaires et de policiers. Chez notre voisin, ils se tenaient une réunion de leur association et ils se rencontrent souvent. Quand on a entendu que c'était des militaires, on ne s'est pas précipité pour aller voir, mais par après, j'ai quitté la maison pour accompagner un visiteur et un militaire qui était devant le portail m'a dit que je n'avais pas le droit de sortir et il est entré. Par après, il m'a intimé l'ordre d'ouvrir la porte d'une autre maison en disant qu'ils avaient entendu qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Je lui ai dit que cette maison était en chantier. À côté de ces militaires et policiers, il y avait une autre personne qui ne portait pas d'uniforme. Il leur a signifié qu'il ne fallait pas perdre du temps avec ces hommes et qu'il fallait les amener directement. On a su plus tard qu'ils ont été acheminés à la zone Kamenge. D'après des informations recueillies à la zone Kamenge, ces 10 hommes ont passé la nuit dans le cachot de cette zone et un agent du service des renseignements serait passé les prendre dans la matinée de ce lundi. Pierre Ngurikiye, le porte-parole de la police nationale, indique que ces personnes ont été surprises en train de tenir une réunion dans laquelle elles échangeaient sur les moyens de ravitaillement des groupes de malfaiteurs. Parmi les personnes arrêtées figure Salvatore Nahimana, c'est le journaliste à la radio Maria Burundi. Trois familles de la zone Buterere en mairie de Bujumbura se disent menacées par un de leurs voisins. Elles ont fait un sit-in devant le bureau de la zone ce lundi. Ces familles indiquent qu'il y a des jets de pierres en provenance de la famille d'un voisin, un policier, ce qui est par la suite rejeté par l'accusé. Les détails, c'est avec Yves Nguziman. Ces familles qui dénoncent qu'elles sont en train d'être menacées habitent en zone Buterere, quartier 4, 15e avenue, numéro 19. Elles expliquent que l'origine de ce conflit est un fil électrique que ces derniers n'ont pas voulu partager avec un certain policier d'Ino de Bakarabe, comme l'indique cette vieille dame. Nous avons fui parce que notre sécurité était menacée par un certain policier Bakarabe. L'origine de ce conflit est un fil électrique que nous n'avons pas voulu partager avec lui. En fait, il a voulu être le propriétaire du compteur afin que le courant provienne du côté de son compteur, ce que nous n'avons pas accepté. Nous avons rejeté son opinion et nous sommes allés constituer un autre groupe. C'est par là qu'il a commencé à nous menacer. Cet homme explique également qu'ils ont voulu manifester la colère parce que son policier a failli les tuer hier soir. Nous avons voulu manifester notre colère parce que la nuit dernière, nous avons entendu des jets de pierre sur le toit de nos maisons. Ils prétextent que c'était un officier de police et qu'il possède des fusils, des grenades et qu'il finira par nous tuer nous tous. C'est pourquoi nous avons choisi de venir ici. Au moment où ces familles demandent d'être protégées, le chef de zone Buterere, quant à lui, a conseillé ces familles de regagner leur maison. Ernest Nduwimana a indiqué que les enquêtes sont en cours. Du côté de l'accusé, il indique par contre que c'est lui qui est menacé et a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation à présent. De jeunes élèves de la gardienne à l'école fondamentale Moussaga 1 dans la commune urbaine de Mouha ont été obligés de rentrer le matin de ce lundi, faute d'enseignants. Espérance Ebizimana, la directrice de cette école, explique que c'est dû au redéploiement des enseignants. Elle demande que 10 enseignants de cette école qui ont été redéployés soient retournés. Mireille Kanyang. Nous sommes à l'école fondamentale Moussaga 1. Certains écoliers suivent les cours alors que ceux de la gardienne venaient de rentrer aussitôt arrivés à l'école. La directrice de cette école fait savoir que c'est par manque d'enseignants. On a redéployé des enseignants titulaires. C'est pourquoi les élèves de gardienne ont rentré. Motif, c'est que leurs enseignants nous ont attribué les autres classes. Ce travail cause beaucoup de problèmes ici à l'école fondamentale Moussaga 1, parce qu'il y a beaucoup des enseignants qui ont été redéployés, ils sont au nombre de 10. Donc, il y a le manque des enseignants ici à l'école fondamentale Moussaga 1. Les élèves de la première année se tenaient en classe sans enseignants et ceux de la sixième année C étaient dehors pour le même motif. Kirezi Naïs Elion est l'une d'entre eux. Ils sont partis ailleurs. Nous avons le serment l'enseignant de Kirundi et France. Quel est l'enseignant qui vous manque? De maths, études, extraits et langues. Ces écoliers réclament leur droit à l'éducation. Et moi et des amis, du faut des enseignants. Vizimane Espérance, directrice de cette école, demande que d'autres enseignants leur soient envoyés, tout au moins que ceux qui prestaient à cette école reviennent. Nous demandons au gouvernement de voir comment régler ce problème en nous envoyant d'autres enseignants pour que cette année scolaire démarre de façon très correcte. Pour rappel, le redéploiement a été décrié par des enseignants. Pas plus tard que vendredi passé, certains d'entre eux sont allés manifester leur mécontentement au ministère burundais de l'éducation. Merci Mireille. Une seule école d'enseignement des métiers est fonctionnelle dans la province de Karoussi au moment où plus de 5000 élèves attendent à voir des places et de tels enseignements dans cette province. Au niveau de la direction provinciale de l'enseignement, le responsable chargé de l'enseignement des métiers indique qu'on attend la construction d'autres établissements de la part du gouvernement. Le point avec Blaise et Pascal Kararoumi. La seule école des métiers fonctionnelle dans toute la province de Karoussi est celle du centre des métiers de Karoussi qui est au chef-lieu de cette province. Cela est confirmé par le conseiller chargé de la coordination de l'enseignement des métiers à la direction provinciale de l'enseignement de Karoussi. Il indique qu'il y a dans la province trois centres d'enseignement des métiers qui pourraient servir d'école des métiers.